encore un texte de déprimé, mais quand même envie de m'exprimer par mes rimes. C'est pas ma faute si le malheur sur ma vie prime, et que je n'expose que des larmes sur ma vitrine, ou que j'explose mon âme au sky quand c'est trop triste. Tout rêve d'un autre monde, tel un autiste. La vie est faite de haut et de bas, comme si autiste. J'espère encore, mais dis-moi le faut-il, parce que marre de galérer et d'être fautif. Toujours les mêmes problèmes à l'horizon, la thune, l'amour, des deux, je manque et c'est l'affliction. Malheureusement pas une fiction, et dans ma vie y'a trop de friction. Tout peut péter en une fraction de seconde. Dans ma tête c'est le bordel tellement que parfois j'ai honte, et c'est mon cerveau qu'à l'alcool j'inonde. Un sale monde, surtout le mien, et je me demande comment sera demain. Comment sera demain? Comment sera demain? Comment sera demain? Narcos, le rack. Quelques semaines que je n'ai pas gratté, plus d'inspi, peur de mal faire, peur de rater, plus la foi, trop d'amertume, le teint bien terne, une fois n'est pas coutume, des yeux rouges sur mes cernes, je reconnais le désespoir, je sens qu'il me cerne, il m'a pas oublié, il était juste en berne, à cause de lui je suis en peine, impossible de le berner, mon moral est en panne, a décidé d'hiberner, mais que dois-je faire, attendre de faner, repousser au lendemain ou à quelques années, y'a presque rien qui me retient, je dis pas ça pour vanner, je suis loin de ces vauriens qui prennent le mic pour pavaner. Trop de questions me tourmentent. Pourquoi tant d'amis qui tour à tourmente? Je sens la pression et son taux augmente. Penser à abandonner ou choisir la mort lente. J'ai tellement à donner, mais à qui personne m'oriente. La volonté que j'avais, je sens qu'elle est mourante. C'est la peur qui prend le dessus, celle d'être à nouveau déçu. Je ne serai qu'un ange déchu, en attendant j'échoue sur des rives inconnues. Chaque jour une différente, sans savoir ce qu'il y a au menu. Sûrement mon âme est rente. Sûrement mon âme est rente. Sûrement mon âme est rente. J'ai à peine les mots pour finir ce texte. J'ai à peine la force de continuer cette vie. J'arrive à envier les morts qui sont au paradis. L'enfer est sur terre, c'est Narcos qui te le dit. C'est là que ça se corse, je me dis qu'on est maudit. J'ai beau bomber le torse, essayer d'être audible. Je suis pessimiste à souhait, notre monde est horrible. Le jour où ça va cramer, ça va être horrible. À mon avis, pas besoin d'attendre que nos petits enfants aient des rides. Je me rappelle de l'âge tendre, aujourd'hui c'est terrible. Avant la fin de nos jours, j'vois une poignée d'éphémérides. Pas besoin de demander si on l'a mérité. Je crois que je deviens barré, complètement taré. Toi t'es effaré d'entendre ce que j'ai à te narrer. Comme F.U.R.A.X, je te jure, ça me fait pas marrer. Je suis complètement perdu, vers quelle berge je vais amarrer. Mes textes tellement profonds que tu t'es noyé. J'ai pas le choix, vais-je rester là, à tournoyer, guerroyer contre des mecs qui ne font que brailler. Croyez-vous que je suis resté là, à me larmoyer? Aujourd'hui je dérive, mon cerveau part en yux. J'ai quitté votre rive sur un radeau sans yeux. Mais je croise les doigts pour être un peu plus à l'aise. Peut-être dans ce monde ou en bas d'une falaise. Tu trouves que je suis à l'heure, que je casse les délires. Tu demandes pourquoi je pleure quand tout le monde est en train de rire. Je suis encore jeune et déjà là maigri. Pas besoin de régime pour un visage amaigri. Je voulais rencontrer le bonheur, mais le videur m'a aigri. Dans ma tête c'est l'orage, jamais de soleil, il fait gris. J'avance à reculons, peu à peu je faiblis. On a voulu me baïonner, mais voilà mes cris. Je sens la tristesse me sillonner, ça se ressent dans mes écrits. Je deviens fou pourtant y'a pas de plomb dans ma tuyauterie. Je deviens fou pourtant y'a pas de plomb dans ma tuyauterie. Dans ma tuyauterie. Est-ce que commencera une nouvelle vie? Je ne crois pas et qui m'enlèvera ce sentiment de solitude si présent dans mon attitude. J'en prends l'habitude, mes titubes, un cœur de pierre et qui ne jamais s'effrite. Et dans ma vie, j'ai pas souvent la frite. Est-ce de ma faute si je me frite? Tu me vois vénère quand je suis triste. Alors souvent j'erre sur de mauvaises pistes. Parce que tu sais, je ne montre pas mes sentiments. Et trop peu de gens me voient faire les choses gentiment. Parfois méchant, parfois trop chiant. Vérité, juste méfiant, car trop déçu par tous. Même si j'aurais besoin d'un gros coup de pouce, c'est à répétition que sont mes coups de blues. Je suis trop souvent dans la mouise, haineux et colérique, et plus très loin de l'alcoolisme.